illégal. T'as pas vu les balles, elles font la taille d'un dépôt, ça détaille. Ouais, ça fait l'étal, fini en mandat, dépôt, ça détale. Crie lundi quand y'a la flicaille dans le ghetto, une bécane. De mes carmes qui se fument pour la part du gâteau. Y'a de la moula jaune qui rend fou la zone. Visage découvert sous les caméras, c'est l'omerta qui résonne. C'est le hap sous la tonne, pour astacher les mots Sheraton. C'est tout pour la somme, part en chasse sur le KTM. J'descends dans la somme, on la vend mais on touche pas Hélène. Coup de crosse, on t'a sonné maintenant, il faut qu'on les sème Ruskov. Voiture volée, rafale à K40, faut tu plus mof. Billet violet, on vient braquer la recette. Vébélec, avec qui tu traînes, dire jamais on freine. C'est la même, les mêmes barreaux de ceux que d'un freine. Faut pas laisser d'empreintes, j'entends résonner les sirènes. Force de l'ordre sur le terrain, ça m'effrappe dans les 6 mètres. Ça fait clic, bah, comme si j'avais 9 mm. Ça s'évite pas comme la mort, une balle dans la tête. On dit pas tout ce qu'on a fait pour éviter de se faire lever. J'suis en défense comme Konaté, ça blanchit l'argent dans le paix. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. J'fais un spell devant la mairie. T'as fait du mal et t'as eu ce que tu mérites. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. J'fais un spell devant la mairie. Fais du mal et t'as eu ce que tu mérites. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. Combien de fois menotté par moi des minots. J'ai vu des parleurs sur le réseau, tu fais le dur. Mais dans la hurpe, poteau tes parois. De la taupe qui broie tes parois. Briquet essence pour ton carouage. Trop t'es haché, j'ai le regard noir. J'suis le GHP dans ton carouage. Et en bas le sang gigue pour des pétards sous des sommes. On est habitué au temps, j'ai t'en fait passer nous les sommes. C'est la guerre, toutes les zones à feu et à sang pour le petit Naël. Ces putains de fuites nous tuent et ont tous les droits comme Israël. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. Pour le cash, ça te braque à la mairie. Bah ouais gros, quand y'a des lovés, y'a des risques. La drogue c'est toujours mauvais quand t'atterris. Force au charbonneur, force à ceux deux dans le corps, bah AVLM. T'es pas chez toi, t'as joué les gros bras, gros, t'as fini en PLS. Les camés c'est pas si simple, donc pour le butin tu ruses. On est cramé comme une putain de paire de TN dans un Urus. Forêt. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. J'fais un spell devant la mairie. T'as fait du mal et t'as eu ce que tu mérites. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique. J'fais un spell devant la mairie. T'as fait du mal et t'as eu ce que tu mérites. C'est la rue, c'est la street, c'est l'Amérique.